Leur mission au quotidien, c'est de protéger la population, pas l'entreprise. Le gros de l'histoire, c'est que c'est pas assez étanche, puis de la poussière de nickel qui se ramasse effectivement dans l'air. C'est pas tellement qu'il manque des lois et des règlements en matière d'environnement, il manque la volonté politique de les appliquer. La compagnie joue à l'autruche, la santé publique, puis le ministère de l'Environnement, ben, vont pas jusqu'au bout de leur pouvoir. Monsieur le ministre, il est temps de se déniaiser, c'est-tu assez clair? Le film documentaire Bras de fer, à l'affiche au cinéma Le Clap dès le 9 mars. Y a-t-il assez de sang sur les signes de détresse? Assez de vibrato dans ces voix qui crient au secours? De vie dans l'œil des vivants? Y a-t-il encore assez de vivants au bout de nos routes? Rhizome présente, du 16 au 18 mars, en partenariat avec le Centre de la Francophonie des Amériques et le Musée de la Civilisation, Vocalité vivante. Programmation complète sur vocalité.ca. Ce soir à l'aérospatiale, Raku Punk, une exposition déjantée à Materia, Christian Messier expose à Espace Parenthèse et un retour sur le travail de Donegan Cumming présenté chez Michel Guimond. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. C'est Audrey Caro au micro de cette émission cette semaine, et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui parce qu'on a vraiment une émission qui est vraiment très variée et remplie d'intervenants plus intéressants que les autres. Et voilà, j'ai vraiment très très hâte de parler avec eux. J'ai travaillé là-dessus toute la journée pour vous aujourd'hui, alors j'ai vraiment hâte de parler avec eux ce soir. Alors, on va tout d'abord parler de cette intrigante exposition Raku Punk qui sera présentée, qui est présentement présentée à Materia, et on sera en compagnie de Lauriane Thibodeau qui, là, je vous dis, était tout énervée de vous parler de ce sujet ce soir. Et elle sera accompagnée de Valérie Blaise, une des exposantes, donc, dans cette exposition-là. On va découvrir justement qu'est-ce que c'est le Raku Punk et qu'est-ce qui mijote chez Materia justement, cet aspect déjanté là, comme je vous le disais en introduction. Donc, à venir dans les prochaines minutes. Et sinon, je me suis entretenue un peu plus tôt aujourd'hui avec le peintre et performeur Christian Messier qui expose le chant des monstres à Espace Parenthèse. Donc, on va avoir l'opportunité d'en entendre davantage sur ce projet qu'il présente là-bas, projet d'exposition et de publication également. Et en deuxième moitié d'émission, on va discuter avec Julien Saint-Georges Tremblay ainsi que Sophie Jacques pour découvrir l'exposition de Donegan Cumming, vieux routier, hein, c'est quand même 40 ans, plus de 40 ans de carrière, qui expose actuellement chez Michel Guimond. Donc, très hâte aussi de parler de cette belle exposition-là tout à l'heure. Avant de débuter l'émission, je vous invite, vous le savez, qu'on est en période de pré-radioton, hein, comme à chaque année. CKRL a son Radioton au début d'avril, et cette année, c'est le 6, 7 et 8 avril. Et on vous invite, avant même le Radioton, de poser un geste de soutien, soit en faisant un don de 20 $ et plus, et aussi en renouvelant votre carte de membre au coût de 25 $. Donc, c'est possible de le faire ici, en passant dans les studios de CKRL au 405 3e Avenue, entre 9h et 17h30, mais aussi, vous pouvez le faire via PayPal sur le site web de CKRL.qc. www.lacité.ca. Alors, soyez généreux parce que votre soutien est vraiment très, très, très important. Hein. Le Radiothon va avoir, comme d'habitude, un montant extraordinaire à atteindre, mais qu'on est toujours très heureux d'avoir. Alors, voilà, on vous invite, l'équipe de l'Aérospatiale vous invite à être généreux. Voilà. On va s'en aller en pause audio quelques instants avant d'accueillir nos premières invitées. Cette semaine, Simon Roy nous présente une sélection musicale très planante, vraiment, moi je vous dirais, assez immersive comme musique. C'est Captive Portal. On s'en va écouter un premier extrait. Alors, on entame cette émission en compagnie de Lauriane Thibaudeau et de Valérie Blaise. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Allô, allô. Alors, Lauriane, je te laisse nous introduire cette exposition-là parce que, comme je disais, bon, tu étais vraiment très enthousiaste par rapport à cette exposition Rakupung qui est présentée à Materia. Je te laisse nous présenter cette exposition-là. Tout à fait. En fait, j'attendais avec impatience cette exposition. En fait, je vais tout de suite, dès le départ, avant d'introduire vraiment le travail de Blaise Bourlard, tendre la perche à Valérie ici qui est en studio avec nous pour qu'elle nous explique pourquoi ce titre Rakupung, ce qui va nous donner le ton pour le reste de la chronique. Alors, le raku, c'est une technique de cuisson pour la céramique. Donc, c'est une technique de cuisson qui est assez ancienne, qui date du 16e siècle et qui vient du Japon et de la Corée. Et Jean-François a commencé à faire des démonstrations en public en détournant un petit peu la pratique habituelle. C'est devenu assez brutal. Enfin, et en même temps, ça aboutit à des pièces assez délicates et très fragiles et intransportables. Et du coup, en 2014, on s'est associé pour faire des performances, pour travailler ensemble, et ça nous a donné envie de travailler sur des pièces également. Mm-hmm. Parce qu'en fait, donc, il faut savoir que Valérie Blaise et Jean-François Bourlard ont leurs pratiques respectives. Oui, ils sont céramistes tous les deux, mais ils ont deux ateliers distincts, deux pratiques différentes. Et ce qu'ils ont proposé au Centre Materia, c'est de joindre leurs univers et de travailler sur les mêmes pièces. Donc, l'exposition et le résultat de ce travail-là ensemble. Justement, donc Valérie le disait, la quasi-impossibilité de transporter les pièces qui sont extrêmement fragiles fait en sorte que le Centre Materia a trouvé un partenaire, la Maison des métiers d'art de Québec, qui a accueilli les deux artistes en résidence, donc depuis les 5 dernières semaines. Puis c'est justement grâce à la Maison des métiers d'art, grâce aussi à l'appui du CAL, qu'il faut le mentionner, et l'appui d'Atelier d'art de France, donc que les artistes ont pu être ici les dernières semaines. C'est votre première expérience au Québec. Comment s'est passé l'accueil puis l'aspect résidence de votre projet? Ah, pour une première expérience, on peut dire que c'est parfait. C'est inespéré. On a été très bien accueillis. C'était fabuleux. On a eu beaucoup de liberté de travailler au sein de la MMAQ. Beaucoup de liberté aussi au niveau de Materia pour réaliser comme une installation géante dans laquelle on a mis en scène nos pièces. Un gros travail de scénographie, mais vraiment avec beaucoup d'enthousiasme de la part des deux administrateurs de ces deux institutions, Materia et la Maison des métiers d'art de Québec. Et donc ça nous donne évidemment envie de revenir faire d'autres projets, voilà, parce qu'on n'a peut-être pas dit notre dernier mot, on a d'autres envies, d'autres idées, donc tout à fait. En fait, donc faut savoir que vous avez déposé un projet, bien entendu, qui a été accepté et tout, mais une fois rendu sur place, vous avez vu le potentiel du lieu, un potentiel nouveau, donc vous avez improvisé justement, bon, surtout par rapport à la mise en scène qui est très importante dans votre exposition, qui joue un rôle clé dans l'expo. Peut-être que tu pourrais nous décrire un peu les trois sections de l'exposition en tant que telle. D'accord. Alors, moi, quand je suis arrivée dans la galerie, je suis entrée par la porte de la maison des métiers d'art, pardon, et j'ai aussitôt vu le mur en verre qui sépare la galerie de Starbucks. Et plutôt que de faire comme s'il n'était pas là, le café, je me suis dit qu'il fallait l'inviter à prendre sa place dans l'expo. Et ça a défini beaucoup de choses dans l'exposition. Donc, on a fait vraiment comme une installation, donc avec des canapés en miroir de l'installation du mobilier de Starbucks. On a aussi fait un comptoir qui donne sur la rue. Donc ça engendre une interaction entre l'expo et l'extérieur qui nous semble très intéressante. On a aussi exploité la vitrine en faisant un inventaire des objets qu'on a pu travailler. Et tout ça, ça se répond bien sûr avec l'intérieur. Donc c'est vraiment comme un café avec des pièces qui sont mises en situation, comme si quelqu'un venait de quitter la table. On invite les gens à prendre place vraiment dans l'expo et à devenir acteurs de cet espace. Voilà. Oui, donc formellement, je ne l'ai pas mentionné encore, je m'en rends compte maintenant, c'est que votre travail n'est pas... votre bagage, en fait, céramique, fait en sorte que vous êtes intéressé d'abord à l'objet utilitaire. Mm-hmm. Une fois que les gens vont se rendre sur place, voir l'exposition, ils vont constater que l'objet utilitaire est franchement détourné, mais tout de même présent. C'est-à-dire que vous jouez avec ces objets du quotidien, puis là, vous invitez les gens à, oui, les voir, s'en approcher, être assis au même niveau, comme s'ils étaient dans le café à côté, mais en train d'observer à la fois le contenant puis le contenu, parce que vous avez cette offre généreuse qui évoque les deux, en fait, là. Mm-hmm. Oui, mais moi, je pense aussi que ce serait important de dire aux auditeurs quels sont ces objets-là aussi, hein? Parce que il y a des objets très usuels, mais en même temps, comme Valérie l'expliquait, des petits gâteaux, des petits biscuits aussi. On est vraiment dans l'objet commun, mais revisité totalement, là. Mm-hmm. On s'est inspiré du réel, mais ça a aussi engendré des pièces complètement absurdes que j'ai appelées des tout-ski, parce que je travaille sur des pièces dans l'épaisseur avec de la matière, mais c'est un peu la même famille que le travail de matière de Jean-François, sauf que je travaille avant la cuisson. Donc, on a à la fois des contenants, des poteries, on a des vases, on a même du mobilier. Vous en avez fabriqué une partie aussi. Mm-hmm. Mais on a aussi, donc également vraiment comme tu disais, des petits chaussons, qu'est-ce qu'on des a d'autre? Des beignets, des macarons, hamburger géant. Assez écœurant. Ouais. Et on a aussi une partie dans l'expo qui s'appelle l'arrière-cuisine dans notre imaginaire, parce qu'on a choisi de montrer le travail tel qu'on le fait, donc à travers une vidéo qui va être représentée au Festival international du film sur les métiers d'art à Paris ce week-end. On a été sélectionnés, donc c'est une chance incroyable. On a une vidéo projetée sur le mur qui permet de comprendre le processus, totalement absurde pour des céramistes, mais voilà. Et on expose aussi des outils comme sur des socles, individuellement, comme des œuvres. Donc le rapport objet mis dans l'espace et œuvre mise sur un socle, ça c'est quand même un paradoxe qu'on voulait vraiment souligner, qui découle directement du titre de l'expo, qui est un oxymore, parce que le raku, c'est plutôt, ça fait écho au zen, et le punk, bah évidemment, c'est totalement à l'opposé. Oui, c'est ça. Donc en fait, quand les spectateurs, quand les passants vont aller au centre matériel, ils vont découvrir la zone déjeuner, la zone café, ils vont découvrir la zone buffet, bar à soupe, puis à la toute fin, ça culmine avec cette section qui est donc l'arrière-cuisine, comme tu l'appelles, où on comprend mieux comment ça a été fabriqué. Et là, il y a une... moi, c'est la section qui m'a touchée le plus, parce qu'on y vit, en fait, une partie du processus. Et à ce moment-là, on comprend alors que ce qui est au mur, c'est des piliers d'enfournement, qu'il y a des bouts de tablettes de four, qu'il y a même des bouts de four carrément dans l'expo. C'est une zone vraiment touchante. Puis il y a un amoncellement aussi de tessons, donc des petits bouts de céramique qui montrent à quel point l'ampleur du travail, en fait, en amont, avant de pouvoir produire ce type de pièce-là. Simplement, oui, vas-y. Oui, ben, moi, juste rapidement, avant qu'on termine, parce que on n'en a pas encore parlé, mais c'est ce travail avec la matière qui va être fascinant pour les visiteurs qui vont aller voir ça. On pousse dans cette présentation-là la matière à sa limite à dans certaines pièces là. Effectivement. Mais moi, c'est ça qui me fascine le plus, c'est la texture, la matérialité qui est travaillée justement de manière très punk, il faut le dire. Ouais, oui, les glaçures donc qui ne sont pas lisses du tout, hein, mais qui sont figées. Donc on a donc l'occasion de voir le temps que c'est arrêté pendant que la glaçure, donc le verre, était encore chaud mais sur le point de refroidir. C'est vrai que il y a des actions qu'on travaille avec la matière en fusion. Quand on travaille à quatre mains pendant le raku, on intervient sur les pièces directement quand l'émail est incandescent. Donc il y a des choses qui se passent, on tire sur la matière, il y a une espèce de croûte qui est formée par la porcelaine qui est prise dans l'émail, qui s'envole et qui se fige en même temps. Mais il y a aussi des choses qui se passent malgré nous, c'est-à-dire que quand on défourne, on sort des piliers d'enfournement qui ont encore un petit peu d'émail et ça devient comme un fil, un cheveu qui est extrêmement souple. Ouais. Et ça, c'est vraiment, c'est la magie un peu du... Bon, voilà. Oui, donc c'est absolument touchant de voir ces filaments-là parce qu'on passe à côté puis ils se mettent à bouger. Mais c'est du verre, là. C'est même. C'est pour ça que je disais vraiment la matière à son extrême limite, là. Ultra présente. Ouais. Donc, puisque votre résidence a été une très belle expérience pour vous, vous mentionniez tous les deux là, le fait que vous souhaitez déjà revenir. Vous n'êtes pas encore tout à fait parti, mais vous souhaitez déjà revenir. Et cette fois-ci, vous aimeriez mettre de l'avant les aspects performance. Donc, pour les auditeurs, vous irez voir on a mis deux liens web qui montrent bien, dont un qui s'appelle justement Rakupunk à Beauvais, puis les auditeurs vont pouvoir comprendre de quoi on parle présentement. Peut-être qu'on peut faire un appel à tous, puisque vous êtes ultra ouverts à vous promener un peu partout au Québec, donc s'il y a des institutions ou des groupes qui seraient intéressés peut-être à vous recevoir ou à vous inclure dans une programmation. On peut aussi, ça peut être aussi une autre forme de résidence, mais avec d'autres matériaux, parce qu'on est quand même intéressé par d'autres supports comme le métal, le textile. Donc, on est très ouvert à tout ça. En tout cas, c'était une super expérience. Bon, mais tout simplement, rappelle que l'exposition sera jusqu'au 25 mars au Centre Materia, donc au coin Charest de la Couronne. Puis, en espérant fort que vous alliez voir ça pour détourner votre vision de la céramique et du Centre Materia aussi. Donc, vraiment un vent de fraîcheur. Excellent. Mais merci beaucoup, Lauriane, ainsi que Valérie, d'avoir présenté cette exposition-là. Nous, on s'en va en pause audio et on revient avec Christian Messier de l'autre côté. On poursuit cette émission de l'aérospatiale, toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Et comme je vous disais en introduction, j'ai eu le plaisir de m'entretenir un peu plus tôt aujourd'hui avec le peintre et performeur Christian Messier, qui expose actuellement à Espace Parenthèse cette nouvelle proposition, Le Chant des Monstres, qui, on le découvrira ensemble, est à la fois une exposition et une publication. Je vais tout de suite laisser place à cet entretien que j'ai eu avec l'artiste. Et nous, on se retrouvera de l'autre côté de la pause publicitaire pour la deuxième moitié d'émission. Bonjour, Christian Messier. Allô, salut. Alors, tu présentes actuellement cette exposition « Le chant des monstres » à Espace Parenthèse, qui est située au Cégep Sainte-Foy. Et c'est un peu un retour au bercail pour toi. Oui, exactement. J'ai étudié là il y a, je sais pas trop, à peu près quasiment 20 ans. Et oui, ça une petite nostalgie à exposer là, c'est assez fun. Oui, alors parlons un petit peu plus de cette exposition, Le Chant des monstres, parce que tu présentes une série de peintures, mais aussi une publication qui est rattachée. Oui, ce que je dis toujours qui est assez important, c'est comme un processus de création, c'est-à-dire que, tu sais, pour créer les tableaux, moi, je fais une recherche d'images, puis j'ai plusieurs images, puis je fais des associations entre des éléments, entre des personnages et d'autres personnages, des situations. J'essaie de créer des situations, soit en faisant du collage, mais pas physiquement, mais juste en ayant les photos, en imaginant la scène que ça pourrait donner, ou en enlevant des éléments, des images. Et donc ensuite je le peins, puis évidemment c'est ça, j'ai mon scénario, mais quand je mets la peinture, ben là il y a toutes sortes de surprises aussi, ce qui fait que au bout du compte j'arrive avec quelque chose qui était complètement inattendu. J'ai des surprises tout le long, puis je me retrouve avec quelque chose que j'avais pas prévu. En ce qui concerne les histoires qui ont été écrites, c'est un petit peu une continuité des tableaux, c'est-à-dire que c'est pas des histoires qui illustrent des tableaux, et c'est surtout pas des tableaux qui illustrent des histoires. Et donc, je regarde les tableaux, puis j'imagine... Tu sais, les tableaux sont un petit peu des scénarios sur pause. C'est comme une situation, mais qui est fixe. Et on peut s'inventer une espèce d'histoire en regardant les tableaux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pensé au hors-champ des tableaux, à ce qui pouvait bien se passer, puis en ayant ces quelques idées-là, donc je me suis mis à écrire, et là, l'histoire s'est construite. Donc, c'est vraiment, il y a un ordre, c'est vraiment les tableaux et ensuite les histoires. Alors, c'est ce que je pourrais dire là, un peu sur ce concept-là. Et puis, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'univers dans lequel sont campées les œuvres qu'on peut voir. Moi, j'ai vu une sorte de paradoxe ou de contradiction qui semble émerger parce que les images, l'esthétique et les rendus du personnage, il y a quelque chose de primitif un peu, comme si on était situé en Afrique au fin fond de l'Océanie. Mais en même temps, quand on prend le temps de regarder, il y a quelque chose d'éminemment contemporain aussi. Moi, c'est ce qui m'est resté comme impression. Est-ce que je me trompe? Oui. Le côté primitif, c'est tout simplement relié avec... la banque d'images que j'avais, aussi avec des intérêts que j'ai. Je m'intéresse beaucoup, évidemment, à l'étrangeté. C'est vraiment une chose qui me motive beaucoup, que j'aime beaucoup. Puis dans ces images-là, qui proviennent pour plusieurs de National Geographic ou de livres sur des tribus africaines ou d'Amérique du Sud, il y a cette espèce d'étrangeté-là, le vaudou, il y a quelque chose d'étrange. Et donc, mon intérêt a été porté pour ce type de photos-là. Et ensuite, les photos, l'étrangeté de ces photos-là, qui étaient de cet ordre-là. Donc, évidemment, c'est celles-là qui ont influencé les situations, les personnages et tout ça. Mais après, c'est sûr que je peins pas... Je peins pas comme, je sais pas, Rembrandt ou je sais pas qui, tu sais. Donc, ma façon de peindre, oui, c'est contemporain parce que, évidemment, ça se fait aujourd'hui, mais en même temps, je dirais qu'il y a quand même quelque chose de très proche de l'expressionnisme ou même du bad painting ou... peut-être pas bad painting parce que c'est un peu plus précis que ça, mais en tout cas, bref, moi, c'est un mélange des deux. C'est un mélange de ces trucs-là, de cette imagerie-là plus primitive, de ces traits, aussi peut-être, disons, contemporains ou très gestuels. Mais c'est aussi une espèce de mix entre la représentation et le l'aspect concret de la présence concrète de la matière. Donc, il y a ce jeu-là aussi qui se dévoile devant les œuvres. Donc, il y a beaucoup d'entre-deux dans tout ce que je fais, de situations ambiguës. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans tout ce que je fais, puis ça se joue aussi là-dedans. Oui, et moi, quand je parlais qu'il y a une espèce de contradiction aussi, je pourrais donner un exemple avec un des tableaux qui était les B-Boys, qui sert à illustrer l'exposition, justement. Et on a ces trois genres de saints, je peux dire hommes, qui sont là, mais leur posture ont quelque chose de très proche de nous, de très contemporain, comme s'ils étaient en train de prendre un selfie, on dirait. Ben, en fait, ils étaient réellement comme ça sur la photo. C'est des enfants qui jouait dans la boîte, je pense. Alors, tu sais, j'ai pas envie de parler du passé. Je vais pas représenter le présent, mais tout ça est fait au présent avec sans vouloir représenter des préoccupations actuelles du monde. Il reste que c'est quand même ça qui se reflète dans les tableaux. Donc, moi, j'imagine que instinctivement, en choisissant mes images, il y a quelque chose. Ben, tu sais, c'est ça, il y a une distance aussi entre quelque chose d'ancien et quelque chose qui semble actuel, qui peut créer un drôle d'effet, une drôle d'ambiguïté. C'est possible qu'il y avait ça. Ben, d'ailleurs, le titre B-Boys Zombie, tu sais, les B-Boys, c'est très actuel, tu sais, c'est dans le monde du rap, donc l'espèce de position un peu yo. Ben, donc, j'imagine qu'il y a ça un petit peu dans les faits actuels. Je ne sais pas si c'est ça que tu voyais, mais. Oui, puis il y a aussi beaucoup dans la posture des personnages, mais c'est quand même drôle cet addon là que tu dis que c'était un peu comme ça dans l'image que tu avais trouvé là. Et puis j'aurais peut-être aimé parler aussi, moi, ce qui m'a beaucoup accroché, puis en même temps ça fait déjà plusieurs années que je connais ton travail, c'est ton rapport à la couleur et le travail de la matière picturale. Hein. Faut dire, il y a beaucoup de mouvements, il y a de l'épaisseur de la matière aussi. C'est vraiment, on reconnaît ton style aussi qui est très propre. Propre? Oui, propre à moi. Pas propre en termes de... C'est un peu garoche, oui, comme on pourrait le penser, mais... Mais je comprends le sens. Oui, la couleur, ben c'est drôle parce que j'ai pendant longtemps été beaucoup plus proche d'une approche en peinture, mais très proche du dessin. Puis graduellement, je suis devenu très sensible à la couleur. Je vois l'équilibre d'un tableau plus par l'harmonie entre les couleurs, la surprise aussi des couleurs, comme s'il y avait des moments forts, d'autres qui s'éteignent un peu plus, mais ça exprime quelque chose, mais qu'il n'y a pas vraiment de mots, donc ça donne des perceptions, c'est ça, je fais juste faire des choix de couleurs en fonction de ce qu'il y a là, puis ça donne généralement, en fait, je suis à la recherche de couleurs étonnantes, d'harmonie étonnante. Alors, c'est très très spontané, instinctif, mon rapport à la couleur, mais je vois pas comment je pourrais faire autrement. Alors, oui, c'est ça, mais en même temps, pour nous, comme spectateurs, c'est très très attirant, très stimulant aussi, comme pour l'œil, là, il faut le dire, mais en fait, ça ajoute au caractère très expressif de ta peinture, je pense, beaucoup. Oui, je pense que oui. Elle est très importante, en tout cas. Bien, écoute, Christian Messier, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de cette très belle exposition, Le Chant des monstres, qui d'ailleurs, peut-être avant de se quitter, on pourrait juste me dire ce titre-là, t'es venu de quelle manière, au juste? C'est venu comme la couleur. Ça m'est venu d'un coup, puis je trouvais ça beau, alors je l'ai gardé. Mais l'idée de monstre est là depuis très longtemps, quand même, dans mes... Ben, quand on ouvre la publication, la première page, il y a c'est drôle, c'est comme l'étymologie selon Wikipédia, mais il donne l'étymologie du mot monstre, puis ça vient de montrer, monstration, démonstration, et il y a quelque chose aussi par rapport au chaos. En fait, le monstre met du chaos dans l'ordre ou met de l'ordre dans le chaos. Il y a quelque chose d'un peu abstrait peut-être, mais en même temps de très inspirant. Et c'est le monstre aussi, c'est une figure qui est tout le temps un peu marginale ou en bordure. Puis Non, c'est tout simplement un titre que je trouvais beau, puis j'aimais imaginer aussi une chorale de monstres, une espèce de chorale super grotesque. Donc, c'est juste des images très très instinctives qui viennent, puis j'ai plus un rapport affectif aux images qui me viennent avec ce titre-là qu'une quelconque signification. Ça veut pas vraiment dire quelque chose, c'est juste beau. Alors, on a jusqu'à ce vendredi pour voir l'exposition à Espace Parenthèse. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que les heures d'ouverture sont quand même intéressantes, là, du lundi au jeudi, de 7h15 le matin à 20h45. Et sinon, le vendredi, de 7h15 à 18h. C'est au Cégep Sainte-Foy, on le rappelle, à la galerie Espace Parenthèse, juste à l'entrée de la bibliothèque. On peut découvrir ça ici. Christian, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. 89.1. Y a-t-il assez de sang sur les signes de détresse? Assez de vibrato dans ces voix qui crient au secours? De vie dans l'œil des vivants? Y a-t-il encore assez de vivants au bout de nos routes? Rhizome présente, du 16 au 18 mars, en partenariat avec le Centre de la francophonie des Amériques et le Musée de la civilisation, Vocalité vivante. Programmation complète sur vocalité.ca. OK, c'est beau, je vais tout t'expliquer. Depuis le début. Mais après ça, allez-vous me laisser partir? J'aimerais ça m'en aller. Je comprends pas pourquoi vous êtes toutes à panique. J'ai rien fait, ça n'a pas rapport que je sois ici. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je peux-tu sortir fumer une top deux minutes? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je pouvais pas rester là sans rien faire. À perdre mon temps? Tout le monde passe son temps. À perdre son temps. Moi, je suis pas comme tout le monde. Moi, j'ai choisi de faire quelque chose de grand. Faut que je me rende utile. Faut que je me protège. Embrigadé, une création du collectif Les Pentures, dans une mise en scène de Pascal Renaud-Hébert, du 13 au 31 mars, au Théâtre Premier Acte. Réservation, premieracte.ca. Eh bien, on poursuit cette deuxième demi-heure de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL. Audrey Carreau, toujours en votre compagnie. Et pour cette dernière portion de l'émission, je suis en compagnie de Sophie Jacques. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Julien Saint-Georges va se joindre à nous dans quelques minutes. Il est coincé dans le trafic, alors vous aurez le plaisir de l'entendre sous peu, justement, avec nous. Mais on va commencer notre entretien au sujet de cette exposition qui a lieu à la Galerie Michel Guimond et qui présente le travail de Donegan Cumming. Donc, ça s'intitule « La chambre d'Alfred et autres espaces ». Et Sophie, j'aimerais peut-être d'entrée de jeu que tu nous présentes cet artiste, parce que je le disais en tout début d'émission, c'est un artiste quand même qui a plusieurs années d'expérience, hein, plus d'une quarantaine d'années de travail derrière lui. Oui, en effet, la pratique de Donegan a commencé à la fin des années 70. Ses photographies, principalement, ont été vraiment marquantes pour les années 80, début des années 90. On les retrouve dans d'importantes collections là, de manière internationale. Après avoir beaucoup travaillé en photographie, il s'est adonné à la vidéo, qu'il pratique toujours dans le cadre des rendez-vous du cinéma québécois qui ont sont toujours en cours, je crois. Il a présenté en première un de son plus récent vidéo. Et le dessin est arrivé dans sa pratique de manière plus importante là, depuis 2007. Je trouve ça intéressant, ça fait un peu une boucle avec l'exposition, puisque c'est la première fois qu'ils sont exposés, c'est à Québec. Et le dessin est arrivé dans sa pratique lors d'une résidence au Centre Vue, situé à Québec et qui a culminé dans une exposition en 2008. Et la résidence était en 2007. Fait que je trouve ça intéressant, le lien à faire avec la ville. Oui, certainement. Mmh. Et puis, cette exposition-là, ici, il faut dire, avant tout, de parler un petit peu de quels sont les sujets qui intéressent cet artiste-là, parce que moi, ça m'a beaucoup frappé quand on regarde, justement, sur son site web, sur le site de la galerie de Michel Guimond, on peut parcourir puis voir quand même, c'est des sujets qui sont pas toujours, un peu tabous, quelquefois. Oui, c'est toujours un peu confrontant. En fait, certains médiums, le traitement de ces sujets l'est parfois plus dans certains médiums que dans d'autres. Par exemple, ces photos et ces vidéos, peut-être un peu plus aussi, peuvent parfois choquer les gens, tandis que c'est assez, comme disons, frontal, réaliste, comme médium, comme technique, alors que le dessin qu'il réalise est vraiment plus allusif, voire représente un peu une certaine magie. Ces sujets sont toujours un peu les mêmes. Ils s'attardent à ceux que l'on dit marginaux. Donc, les enfants oubliés un peu là, de l'humanité, ceux qui sont parfois malades, en fin de vie, âgés, ceux qui peuvent être moins jolis, qui vivent dans des endroits plus difficiles aussi. Puis, cette pratique-là est vraiment constante là, depuis les années 80. Et ce qu'il nous racontait, c'est autant ces photos-là qu'il a réalisées puis qui ont été éditées aussi en livre, qui a été réédité en dessous de ça chez Faydon, puis dans la collection Errata Books on Books. Ça lui appartient, c'est sa pratique, et il les revisite tout simplement en différentes techniques. Et là, cette fois-ci, dans le cadre de l'exposition, c'est à travers le dessin. Donc, tous les dessins sont directement inspirés d'une photographie. Oui, puis le corps humain, hein, on parle, oui, des rejetés, des marginalisés, mais il y a beaucoup, je pense, d'humanité aussi dans si on peut dire, dans ces gens marginalisés-là aussi, mais le corps humain est vraiment mis de l'avant, puis oui. À la fois des corps qui peuvent être à la fois habillés, mais aussi nus, puis je pense que c'est ce qui peut être très confrontant également. Très confrontant. Dans les photos, disons, la photo la plus emblématique de Donegan Cummings, c'est souvent celle qu'on va retrouver dans les anthologies de la photo. C'est une photo d'une femme âgée. Mm-hmm. Là, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il est dans les 80 environ, 80 ans, qui est nue. Et ça, c'est choquant pour beaucoup. C'est très confrontant. On le rencontre quand les gens viennent visiter la galerie. Puis, au fil de discussion, là, assez rapidement, les gens comprennent que, dans le fond, l'espèce de... pas de dégoût, mais c'est pas tout à fait ça. L'espèce de... Vraiment, c'est la confrontation. Ils se projettent beaucoup, je pense, dans ces images-là. Et c'est ce qui vient les choquer. Il va photographier aussi des gens qui ont des plaies, des cicatrices, des gens très gros, très minces, des gens malades. Fait que c'est... C'est ça, chose qu'on aime mieux pas voir parfois, oui. Qu'on aime mieux mettre des œillères. Oui, puis c'est aussi pas des images auxquelles on est habitué de voir, oui. Des réalités qu'on n'est pas habitué de voir parce que la publicité, les vidéos nous mettent toujours la jeunesse de l'avant, même la perfection maintenant avec les Photoshop de ce monde qui sont même inexistantes finalement, alors que là, on est confronté finalement à notre propre vieillesse, hein, vieillissement du corps aussi. Propre vulnérabilité. Vulnérabilité, c'est ça, oui. Oui. Et c'est vraiment fascinant, donc c'est ça, Julien vient de nous joindre ici. Bonsoir. Peut-être nous dire, toi Julien, qu'est-ce qui a marqué pour toi cette exposition-là que tu es allé voir de Donegan? Vous en parlez bien, la confrontation, comme la frontalité des photos. Là. La photo, il y a quelque chose de... Ben, il en parlait aussi, comme au vernissage, quelque chose de très clinique, là, très... On le présente... Ben, il y a une mise en scène, mais on dirait qu'il n'y en a pas en même temps. C'est comme un peu de l'ordre du documentaire. Ben, c'est la photo documentaire parce que c'est des vraies personnes dans leur vrai... la plupart du temps, parce que parfois, il va faire des fausses séries avec un vrai sujet, mais il va vraiment utiliser comme des mannequins. Mais ça reste des gens dans leur intérieur, notamment pour les photos qu'on a à la galerie présentement. Par contre, il ne va pas aller dans... Il ne va pas essayer de sublimer... La personne. Non. Il va mettre, parfois, il va ajouter des éclairages, il va faire des mises en scène avec les objets qui se trouvent pour vraiment rendre ça un peu plus cru, un peu plus... Ouais. Mais dans le lieu, toujours. Ça ouais. part toujours de où est-ce que la personne vit. C'est ça. Il la met en scène, mais dans sa propre vie, finalement. Mm-hmm. Il n'essaye pas de trouver une vie meilleure, une vie plus intéressante. Il fait non, non. Okay. Il disait que c'est quoi? C'était, les règles qu'il se donnait mettons, à la photo au début, c'était il partait pas tant qu'il n'y avait pas 4 ou 6 films de photos de prix. OK. Fait que déjà là, une bonne quantité d'images. Exactement. Là. Là, juste, on mitraille, puis on crée une relation rapide, des fois très intense, des fois un peu plus long, comme tu disais, comme des fausses séries qui revenaient. Comme ouais. Nettie, je pense, qui y a quand oui, même une relation. Oui, il a relation. Travaillé. Tu sais, par exemple, c'est la personne âgée, la femme que l'on voit nue en photo, bien, c'est pas à sa première rencontre que c'est déshabillé, puis elle dit pas de problème. Tu sais, c'est vraiment... C'est sur plusieurs années, il en a fait un film aussi, puis jusqu'à je pense que la veille de son décès, ils ont travaillé ensemble. Mm-hmm. Donc, c'est un travail sur la longue durée. Mm-hmm. Puis, autant ces photos-là sont nettes, précises, c'est de la photographie, que ces dessins, comme je pense que je l'ai déjà dit, sont un peu allusifs. Oui, exactement. Mais parce que aussi, on ne l'a pas souligné, mais ces photographies-là sont en noir et blanc. Oui, aussi. C'est vrai. Donc, ça ajoute au côté, à l'esthétisme, au côté plus documentaire, peut-être, de la chose. Vraiment. Alors que les dessins, là, viennent amener une touche de couleur, souvent, des fois plus discrète, d'autres fois plus vibrante ouais. aussi, ouais. plus présente. Mm. Ça, c'est intéressant, je trouve, ce passage-là de la photo vers le dessin, mais le côté plus allusif, expressif, peut-être, de l'image. Ouais, c'est vraiment important. On dirait il mettait vraiment le point d'ordre dessus quand il nous a parlé un peu au vernissage, puis il disait vraiment que ça... C'est une relation, c'est vraiment un dialogue, puis on le sent, tu sais, parce qu'on reconnaît les personnages, on voit quand il les a tronqués, parce que des mm-hmm. fois, il va jouer... tu disais qu'il n'y avait pas de Photoshop, mais lui, il a comme une mentalité Photoshop, finalement, tu sais, il prend le visage de quelqu'un, le corps d'un autre, puis d'un coup, ça devient un nouveau personnage dans comme ces couleurs-là qui explosent des fois, là, c'est assez incroyable. Là, comme si vous y allez, là, vous irez voir il y a un frigo notamment qui est comme... Il l'a mis en feu. Oui, c'est ça. C'est que c'est assez frappant. Là. À la manière dont il travaille comme photographe, parce que c'est ça, c'est intéressant pour l'exposition, la manière dont on a travaillé. Il nous a proposé beaucoup, beaucoup d'œuvres. Il était oui. vraiment très enthousiaste. Ça a été super agréable, la manière dont on a travaillé. Et nous, on a fait une sélection à travers ça... de qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour un peu synthétiser l'œuvre, pour synthétiser le travail et aussi avec l'espace qu'on a à la galerie. Puis, il nous racontait, par exemple, que comme un photographe va prendre beaucoup de photos pour trouver la photo qui va faire œuvre, là, disons, il partait de cette photo-là qu'il avait prise dans les années 80 ou début 90, puis il en faisait une série de dessins. Un dessin, c'est un jet, 90 minutes environ, avec une espèce de précipitation, mm-hmm. puis un peu une... De spontanéité, aussi. Oui. C'est rare qu'il y ait un retour sur le dessin une fois qu'il est terminé. Ils peuvent en faire 10, voire une douzaine d'une même photo. Par contre, à la différence des photos, il va tous les garder. On peut voir une même série avec une même photo. Ici, on peut le voir dans l'exposition avec différents personnages. Puis comme Julien mentionnait, le frigo qui devient en feu. Mais ça, c'était le dernier de la série. Il avait changé la tête du personnage. Okay. Il a mis le frigo en feu. Il dit, bon, là, c'est fini. J'ai atteint on le passe à d'autres on choses. On passe à un autre, c'est autre bon. Dessin. Ouais. OK, il veut finir avec un bang en plus. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout, mais là, particulièrement pour celle-là, c'était le cas. Je suis content que tu en parles, mettons, du travail que tu as eu avec Michel Guimond aussi. C'est sûr que c'est peut-être pas exactement dans cette mentalité-là que vous étiez, mais comme est-ce que vous voyez ça comme du commissariat? C'est-à-dire, à quel point vous vous sentiez intégré dans le résultat de l'exposition? T'sais, est-ce que c'est juste de l'accrochage? Il y a vraiment... Tu l'as dit un peu, un côté décisionnel, tu sais, tout de même. C'est un peu plus que de l'accrochage, là, c'est certain. Par contre, Donegan avait cette exposition-là en tête depuis de nombreuses années, puis je pense que c'est pour cette raison-là aussi qu'il était assez touché de la voir enfin apparaître sous ses yeux. Donc, par exemple, le choix de l'ordre, comment les murs sont montés, ça vient de lui. Mais il a quand même dû faire des choix pour en arriver là. Mm-hmm. Puis ça a été guidé lors d'une discussion. Il nous proposait des choses. Par exemple, là, on en choisissait, on en retirait. Puis là, il nous revenait comme « Ah, ça va, mais celle-là, je suis un peu déçue qu'elle soit éliminée. Oui. » Donc là, on la remettait. Tu sais, il y avait tout ce rapport-là. Puis ça a été fait à distance. Donegan habite Montréal. Nous, on est à Québec. Donc, ça a été agréable. Fait, finalement, c'est un rapport de collaboration que vous avez fait ensemble. Oui. Exact. C'est intéressant, c'est ça. Ça devient son travail, mais vous devez comme un peu vous intégrer au travail aussi, le faire un peu vôtre, le temps d'une expo, finalement. Oui. Puis chaque lieu a ses caractéristiques. Donc aussi, là, en travaillant à distance, ben là, des fois, certaines décisions devaient être plus... disons, pas cartésienne, mais le mur mesure tant, puis fait qu'on peut pas en mettre trois, ils vont en mettre deux. Donc là, sur lesquels on fait, on discutait, bon, lequel est la plus représentative, la plus importante à ses yeux, puis on allait de là. Moi aussi, j'aimerais revenir sur un aspect qui m'a marqué, parce que oui, bon, on a les dessins qui sont issus de photographies, mais il n'y a pas toujours une image. Des fois, on a la planche contact. Un peu, c'est aussi ça. On entre dans l'univers du photographe aussi par ces planches contact-là qu'il va aussi réutiliser par la suite dans le dessin également. Donc, ce n'est pas toujours une simple une image, un dessin. Donc, on a des fois plusieurs petits dessins comme la planche contact aussi. Ça, je trouvais ça intéressant comme approche d'avoir choisi de présenter aussi ces variantes-là de l'image et de plusieurs images justement, de cette frénésie aussi, comme on parlait, de prendre plusieurs photos à la fois. Ben, en fait, tu pourras compléter pendant que j'en parle. Ça vient un peu du livre que j'avais mentionné, la réédition d'un livre de Stage qui avait déjà publié. Puis il y avait des spécificités techniques à la fin. Ils devaient leur fournir avec une biographie ou des choses comme ça, une planche contact. Donc, ils revisitaient ces planches contact. Puis il y en a 12, c'est la 12 sheet. Donc, il y en a 12 qui se sont démarquées par leur unicité, par le fait qu'elle est représentée comme une création en soi. Je ne sais pas exactement dire qu'est-ce qui faisait qu'elle se démarquait, mais elle sortait du lot. Il en parlait comme ça, en tout cas, je me rappelle clairement aussi. Puis de là, ben, ça a fait une série. Puis ils deviennent un peu aussi une sorte d'aide-mémoire quant à sa production. Puis la manière aussi dont elles sont présentées, c'est un format assez restreint. Puis ce format-là permet de la concevoir vraiment quand on la regarde comme un tout et non pas 8 images séparées. Et la même manière que des portraits, par exemple, elles vont être dessinées. Parfois, c'est 8 zones assez claires. Parfois, on pourrait presque croire que c'est un plan d'un appartement vu d'au-dessus. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, ça donne aussi... On en a un trio, notamment. On a la planche contact, photo. Puis aussi, il faut aussi savoir que parfois, il l'a modifié, par exemple, pour faire aligner toutes les rayures dans le même sens. Mm-hmm. Fait que ça devient vraiment une création en soi. C'est pas seulement un archive. C'est ça. On a le dessin de la planche contact et on a un dessin tiré d'une des images de la planche contact. C'est ça, exact. Ouais. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a comme toute une mise en abîme qui se crée. Puis je trouvais ça intéressant à quel point il parlait aussi du rapport à la narration, à la narrativité, tu sais, de l'image. Il voit vraiment pas ça comme quelque chose de narratif, ben photographique. Puis, mais la planche contact crée une sorte de narration. Exactement. Parce qu'il y en a tellement, c'est toujours une planche contact, c'est toujours souvent dans le même lieu en plus. Fait que là, on dirait qu'il veut se rapprocher de la narration à travers la photographie. Mais plutôt, il perçoit vraiment plus le dessin finalement par le côté narratif. C'est qu'on dirait qu'il il a trouvé son pont, finalement, entre la photo et la narration à travers ces planches contact-là qui deviennent dessins, finalement. Eh bien, une exposition qui est vraiment à découvrir à la Galerie Michel Guimond. Sophie, est-ce que tu peux nous rappeler, c'est jusqu'à quelle date qu'on peut avoir l'opportunité de voir? Oui, donc c'est jusqu'au 18 mars, c'est un dimanche. La galerie est ouverte du mardi au dimanche. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Puis c'est vraiment des dessins qui sont tellement fins dans la technique, voire le support, une feuille très, très fine, que ça vaut la peine de se déplacer. Oui, effectivement, comme on dit, une image photographique n'est pas toujours le meilleur rendu pour ce genre de beau dessin. Bien, Julien, merci beaucoup de t'être joint avec nous. D'avoir réussi fois. De se rejoindre à nous. Et merci beaucoup, Sophie-Jacques, d'être venue nous en parler également. Merci pour l'accueil. Alors, on s'en va toujours écouter Captive Portal. Cette fois-ci, c'est Why Is... Et c'est déjà le temps de terminer l'émission et on y va avec l'agenda de la semaine, donc ces événements à ne pas manquer. Depuis hier, il est possible de voir l'exposition « L'une à l'autre » de Marie-Pierre Gravel à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. C'est, à vrai dire, une exposition où on était invité à découvrir la démarche en estampe numérique de l'artiste. On dit que ses créations traitent de la non-permanence pour produire des images qui représentent un état instable. Et ce qui est particulier aussi, c'est que durant les 3 semaines de l'exposition, l'artiste va exposer une suite d'images qui est produite directement sur place, donc du 5 au 15 mars. Elle sera sur place pour créer des images qui vont découler toutes d'une même illustration de départ et qui vont être par la suite affichées dans le deuxième volet de l'exposition. Et il y aura justement un vernissage qui va se tenir le 15 mars à 17h pour présenter l'ensemble de ces créations sous une forme d'installation, donc à découvrir à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Sinon, les gens du lieu vous attendent à compter du 9 mars, donc ce vendredi, pour vous présenter de l'art, de la poésie et de la performance. Donc, c'est le collectif Aldente qui va présenter ici à la fois une exposition, mais il y a des conférences, des interventions, des ateliers d'écriture aussi. Et l'exposition sera inaugurée donc le 9 mars dès 17h au lieu, donc au 345 de la rue Dupont. Et c'est une exposition des journaux murales d'intervention poétique qui vont se dérouler. Et il va y avoir également cette soirée-là des artistes qui seront en performance aussi au même moment. Et sinon, les 10 et 11 mars, à la Maison de la littérature, il va y avoir conférences et ateliers d'écriture. Pour tout savoir, je vous invite à consulter le site du lieu, donc qui est inter-lelieu.org pour avoir toutes les informations. Donc, c'est simplement vous dire que c'est un collectif d'artistes donc qui ont publié toutes sortes d'écrits, donc poésie, prose, expérimentale, CD, DVD, et voilà, donc à découvrir Aldente. Et sinon, aussi, il y a ce samedi, Evelyne Boulevard qui va être à Engram, pardon, donc pour prendre le thé avec vous et discuter de son exposition « Terre tourmente » entre midi et 17h ce samedi. Donc, une belle occasion de discuter avec cet artiste de Québec de cette nouvelle proposition donc qu'elle fait à Engram. Et sinon, bien sûr, c'est la semaine de relâche hein, qui a cours en ce moment et profitez de cette occasion pour visiter et faire découvrir autant à vous qu'à vos enfants, donc les arts visuels et les métiers d'art. Plusieurs expositions sont en cours à Méduse, donc à la coopérative Méduse dans la côte d'Abraham, notamment à la bande vidéo, à l'œil de poisson, chez Vue et en Gramme, donc ça vaut vraiment la peine. Mais je souligne aussi qu'il y a toute une programmation spéciale au Musée national des beaux-arts du Québec où les enfants seront invités à faire des jeux de manipulation, des ateliers de création, des visites animées. Il y a aussi des spectacles également. Et la programmation est en lien, bien sûr, avec cette grande exposition autour de Alberto Giacometti, donc emboîter le pas sur les traces du grand artiste Alberto Giacometti. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais il faut faire vite parce qu'il y a déjà des activités qui sont complètes. Il y a également des camps aussi de jour qu'on peut faire, là, une journée d'immersion également. Et je sais qu'il reste peut-être une ou deux places, alors ça vaut la peine. Des spectacles de cirque aussi qui sont à tous les jours, donc jusqu'à 14h. Allez voir sur le site mnbaq.org. Alors, c'est ainsi qu'on termine cette émission de l'aérospatiale. Je remercie très sincèrement nos invités et nos chroniqueurs qui ont été parmi nous aujourd'hui. À la mise en onde, c'était Jacques Gignac, notre artiste de la console, que je salue bien haut. Et on a, bien bas plutôt, donc je salue également ma collègue Jean-Tiane Lafrance qui sera en votre compagnie la semaine prochaine pour discuter, bien sûr, art visuel. Je vous invite à consulter notre page web l'aérospatiale ckrl.wordpress.com et notre page Facebook ainsi que notre Instagram pour avoir plein d'images relatives à ce qui s'est passé à l'émission. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'être parmi nous à chaque semaine. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous poser vos questions par l'entremise de notre page Facebook également. Et je termine en saluant Pierre Blais et son équipe de Situation Critique qui sont à chaque semaine nos fidèles auditeurs à la ligne Quasi-Saint-Jean. Vous pouvez justement les entendre dans quelques minutes en restant sur les ondes de CKRL 89.1 pour vous parler de cinéma, bien sûr. Et en plus de critiques aiguisées des derniers films à l'affiche, je suis certaine que Pierre Blais vous proposera certainement de savoureux potins, comme il sait bien les choisir en ces lendemains de soirée d'Oscar. Alors, rendez-vous après la pause publicitaire avec l'équipe de Situation Critique. Et c'est Audrey Caro qui vous dit cette fois-ci bonne semaine et à mardi prochain, 17h30. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL 89.1. N'attendez plus. Faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Première Ovation, un tremplin pour la relève. Depuis 2008, la mesure Première Ovation donne aux artistes émergents de la capitale les moyens de créer et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Tu pratiques la musique, le théâtre, la danse, le cirque, les métiers d'art, les arts littéraires, visuels, médiatiques, numériques ou multi? Tu es jeune professionnel du patrimoine? Surveille le premièreovation.com pour connaître les prochains appels de projets. Une mesure réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec dans le cadre de leur entente de développement culturel promue par CKRL. La Société de développement des périodiques culturels québécois vous présente le Printemps des revues. Que vous soyez passionné de cinéma, des arts visuels, de musique ou de théâtre, que vous aimiez vous plonger dans des nouvelles et des poèmes, ou que vous souhaitiez approfondir les enjeux de société, vous trouverez parmi les 45 revues de la SODEP. Du 6 au 25 mars, les revues culturelles québécoises vous donnent rendez-vous. Plus de détails sur sodep.qc.ca. En 1978, le ministère de l'Environnement statuait que les activités industrielles au port de Québec constituaient une source de contamination pour l'air de la ville. Mais vous n'avez pas de regrets, hein, M. Girard? Ça fait un mois que vous dites aux gens de Limoilou, c'est pas nous autres, c'est pas le port. Là, ça sort, le rapport, c'est vous. Il y a des jours où je suis plus choquée contre Arrimage puis contre le port de Québec parce que c'est eux qui produisent la contamination. Puis il y a des fois, je suis encore plus choquée contre les autorités. Parce que eux, leur mission au quotidien, c'est de protéger la population, pas l'entreprise. Le gros de l'histoire, c'est que c'est pas assez étanche puis de la poussière de nickel qui se ramasse effectivement dans l'air. C'est pas tellement qu'il manque des lois et des règlements en matière d'environnement, il manque la volonté politique de les appliquer. La compagnie joue à l'autruche, la santé publique puis le ministère de l'Environnement, ben, vont pas jusqu'au bout de leur pouvoir. Monsieur le ministre, il est temps de se déniaiser, c'est-tu assez clair? Le film documentaire Bras de fer. À l'affiche au cinéma Le Clap dès le 9 mars. CKRL. Cette belle jeunesse ne durera pas. Cette belle jeunesse te file entre les doigts. Cette belle jeunesse ne durera pas. Cette belle jeunesse, embrasse-la. On vient d'apprendre, à la suite d'une conférence de presse, que la poussière de nickel provenait d'une seule source, le port de Québec. En octobre 2012, une poussière rouge recouvre les quartiers centraux de Québec. Véronique Lalande, une simple citoyenne, mène depuis un combat acharné contre la multinationale responsable des dégâts. Découvrez son histoire dans « Bras de fer », le nouveau documentaire des frères Seaborn. Au cinéma Le Clap dès le 9 mars. Voyez le film en présence des réalisateurs et de Véronique Lalande le samedi 10 mars à 19h. Tous les détails sur la page Facebook du film. En direct de la ligne Quasi-Saint-Jean, CKRL vous présente Situation Critique en collaboration avec le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs, et de Audio Vidéo DG, le plus grand détaillant de vente de DVD et Blu-ray au Québec.